Cette semaine, on parle d'une bourde de Huawei, de nouveaux objectifs Sony, de l'application Prisma, et on vous apprend comment faire une pluie de feu avec de la laine d'acier. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 95. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Hello. Et Christian Jarry. Bonjour. Épisode 95, on se rapproche du centième. Yes, yes, yes. Mais avant de commencer, on va annoncer tout de suite qu'on prend une petite pause pour le mois d'août. En fait, cet épisode-là est déjà diffusé au mois d'août, mais il n'y aura pas d'autres épisodes avant début septembre. Mi-septembre, quelque chose comme ça. Et on va vous parler un peu plus tard dans l'épisode du photo walk qu'on veut organiser. Vous irez voir au cas où il y aurait des changements de dernière minute sur le site objectifnumérique.com et il y aura tous les détails. Et parlant de photo walk et de photos, qu'avez-vous fait côté photo depuis le dernier épisode? On avait commencé avec Christian la dernière fois. François? Sur un tournage, j'ai travaillé avec un animal. Oh, encore? Oh. Tu as parlé d'un animal il y a deux épisodes. Quel politicien? Oui, je vous avais parlé au dernier épisode ou l'autre d'avant? Non, il y a deux épisodes. Il y a deux épisodes du Zebran. Oui! Vous en rappelez? Ah oui. Ben là, c'est un peu dans le même genre. J'ai travaillé avec un cochon d'Inde. Ah, ouais, OK. Ouais. Ben ça, c'est facile. Ouais. C'est un croisement entre un cochon et une dinde. Exactement. C'est exactement ça. Ben, le zébran, c'est un croisement. Je peux plus m'empêcher de voir l'image de ça. Moi, c'est pas beau. Hein? Non, vraiment. Là. Ben non, c'est un cochon d'Inde, comme dans une espèce de petit rongeur. Ben oui, je sais. Et puis, c'est. En fait, on s'est vraiment bidonné cette journée-là parce qu'on faisait le tournage. Bon, ça n'a pas vraiment de rapport à l'anecdote, mais c'est sur un écran vert, okay? Sur le green screen, pour au montage le mettre dans des situations comiques. Donc, le petit cochon d'Inde était sur un cube vert, sur fond vert. Donc, il était dans le vert, dans le néant. Ce que j'ai appris en travaillant avec cet animal-là, c'est que une fois que tu le places en quelque part, il ne bouge pas. Il ne veut pas vraiment se sauver d'où ce qu'il est, il fige. Ça fait différent d'autres sortes d'animaux, par exemple. Eh hey boy! Puis lui, c'est un personnage. C'est un personnage dans l'émission, okay, dans laquelle je travaillais. Et puis, il fait des interventions. Okay, dans l'émission, il parle. Okay. Puis quand il donne... C'est puissant. Quand il donne un petit céleri à bouffer, il grignote. Puis là, il arrête. Puis il repart. Fait que la bouche, il bouge, elle arrête, puis elle repart sans arrêt. Ça fait des phrases, ça, au montage. Tu peux coller des phrases. Puis quand il arrête de grignoter, je te jure, c'est comme si tu le mettais sur pause. Ça arrête d'un coup sec, il n'y a rien qui bouge sur le corps. Ah bon? Écoute, tu fais comme, mais voyons donc. Particulier. Puis il repart. Écoute, c'est vraiment puissant. Là, il faudrait que vous voyez ma face là, pendant que je fais ce son-là. Oui, c'est tout aussi intéressant que le son. Oui. Moi, je suis curieux pour savoir pourquoi tu as tourné ça aussi. C'est pour une nouvelle émission jeunesse dont je ne peux encore parler. Parce que c'est éventuellement, je veux que tu t'en parles parce que je suis curieux de voir ça, le résultat que ça a donné. Écoute, on vous en reparle cet automne. C'est le genre... En fait, je peux dire c'est un peu c'est quoi le style de l'émission, sans dire ça va être tout encore. C'est un peu, pour ceux qui ont connu ça, les plus vieux d'entre nous, tournée, Seigneur non? Dieu. Pop Citrouille. Ah, en tout cas, le titre d'émission, un peu déjantée, qui est tout à fait pas dans l'humour très droit. Là, c'est toujours un peu champ gauche. Ben, c'est ça. Je peux pas en dire plus. Ça va. Mais c'était pas nécessairement pour avoir qu'est-ce que ça sur quoi tu travaillais. Tes mais... enfants risquent d'aimer ça. Ça commence à tomber un peu dans leur âge. Là, ils sont presque pré-ados, tes enfants. Ma fille, elle a 11 ans. Là. Ben, c'est ça. Ça va parler à eux autres, c'est sûr. Là. Fait que, Si tu parles humour déjanté, mes enfants, ils me les appendissent. Là. Fait que ça te donne une idée garde. C'est visé. Là. C'est les gens qui sont visés. OK. Ça m'intéresse. Parfait. Christian, toi, de ton côté, t'as fait quoi? Un léger petit voyage. Je suis allé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, j'ai fait le tour, carrément, du Saguenay. Je ne rentrerai pas dans les détails de toutes mes péripéties parce qu'il y en a des... c'est pas gênant, mais en tout cas... Tu t'es perdu, c'est ça? Non, c'est pas exactement ça. On est allé aux Hauts-de-Saint-Félicien, que je n'avais jamais vu. Ouais, moi non plus, je suis jamais allé. Honnêtement, fait, je suis jamais allé au Saguenay. Ben, moi non plus, c'est la première fois que j'y allais avec mes parents. J'ai vu beaucoup de régions du Québec. Le Saguenay, on n'était jamais allé. Fait que on a fait le tour, c'était super intéressant. Le zoo de Saint-Félicien, j'en avais beaucoup entendu parler, puis je comprends pourquoi. C'est un très beau zoo, tout ça. Puis étonnamment, le bout le plus intéressant, c'est pas le zoo en tant que tel. Il y a comme une. On se promène dans un espèce de petit train, puis il nous montre l'histoire du Québec. Comment je pourrais dire? Chacune des époques, on rentre vraiment comme dans des petits édifices, puis ça montre comment ils vivaient, etc. Okay. Il y a même des acteurs, puis il y a des animaux qui se promènent autour. En tout cas, c'est super génial. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Okay. Après ça, bon, on a fait une couple d'autres endroits. Puis finalement, on a terminé. On est allé à Val-Jalbert, bien entendu, la fameuse ville qui a été abandonnée. J'ai fait quelques photos assez intéressantes, d'ailleurs, dans ce coin-là. Étonnamment, avec mon appareil photo, avec mon appareil photo de mon téléphone, je devrais plutôt dire, parce que, pure malchance, j'ai connecté mon petit. Je voulais pas amener mon 7D parce que j'avais bien mal au dos ce jour-là. Fait que j'avais juste ma RX100, puis je l'ai mal connecté. Fait que malchance, la pile était drainée. Fait que j'ai pris des photos. Il faisait tellement beau que les photos sont magnifiques. Fait que ça, c'est le fun. Puis on a fini le parc national du Fjord du Saguenay. Mais c'est ça, ma petite anecdote est là, c'est que ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a deux entrées à ce parc-là. Il y en a une sur la rive droite et l'autre sur la rive gauche. Mais c'est parce qu'il y a un petit écart assez phénoménal entre les deux. Et nous, on s'est présenté sur celle de la rive gauche et c'était sur la rive droite qu'il faut aller. C'est 2 heures de route ça de commence plus. Bien. Ouais, 2 heures. 2 heures de route de plus parce qu'il faut que tu redescendes tout jusqu'en bas pour remonter. Ouais. Fait que, en effet, bon, OK, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va le faire, là, 2 heures de route. Mais ça m'a permis, par contre, de prendre des vraiment très belles photos. Le parc du Fjord du Saguenay, là, c'est vraiment beau. Puis on a refait du kayak de mer à cet endroit-là aussi. Ça, là, c'était écœurant. Vraiment, là, avec la GoPro, encore une fois, j'ai pu prendre des photos pas si mal. Pas parfaites, mais c'était quand même bien. Puis d'ailleurs, j'ai eu une expérience. Bon, les enfants n'ont pas aimé ça, mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est qu'on a eu tout un orage quand on est allé là-bas. Ben, c'était étonnamment pas si pire que ça. Bon, ça a tombé très fort sur nous, mais l'orage a comme passé l'autre bord du lac. Puis nous autres, à cet endroit-là, ben on était dans ce camping-là, le camping Vauvert, on était sur le bord du lac. Fait qu'on voyait au loin l'orage avec les éclairs qui tombaient. Puis je vous dis, là, c'est 3-4 heures là, que ça a tombé. Même après un bout, on les entendait plus. C'était rendu des éclairs de soir, là, mais ça tombait là facilement. Là, à chaque minute, il y en a un qui tombait. Okay. J'ai jamais vu ça de ma vie. Sincèrement, c'était impressionnant. J'ai essayé de prendre des photos. J'ai réussi une très bonne photo où ce qu'on dirait que le ciel explose, mais on voit pas d'éclairs. C'est juste ça qui me fâche. J'en ai deux où ce qu'on voit un petit bout d'éclairs, mais je trouvais ça moins impressionnant que l'autre photo. J'ai pris, je vous jure, à peu près 1000 photos ce soir-là en essayant de prendre des Moses d'éclairs. Est-ce que tu as réussi? Non. Pour une autre raison, c'est que j'aurais réussi éventuellement, c'est clair. Parce que j'avais commencé à effacer mes photos puis mes affaires. Le problème étant qu'il y avait tellement de moustiques. Ah ouais. À un moment donné, là, j'avais à peu près 10 moustiques sur moi. Là, puis là, j'ai fait comme non. J'ai le bras pour en prouver que je me suis fait vraiment manger. Ouais, manger tout rond. Fait que là, j'ai fait non. Le chasse-moustique, tu connais tout. J'ai le meilleur que tu peux pas avoir sur le marché. Il m'aime, les moustiques, ça l'a aucun sens. T'es-tu O négatif? Je sais même pas, suis quoi. Non, mais... Moi, je dirais que t'es O négatif. Mais moi, je dis que ça a fonctionné, son chasse-moustique, parce que peut-être que son bras aurait doublé de volume s'il avait pas vu. Tu ris, mais le pire, c'est que oui, je me suis pas fait manger tant que ça a déjà été pire que c'est ça. C'est ça. Fait que bref, je vous posterai cette photo de oui, cet éclair qui est quand même assez... Elle est magnifique. Très belle photo. Oui, superbe, on dirait. Écoute, si tu sais pas que c'est ça, étant donné que les nuages couvrent l'éclair, écoute, ça a l'air d'un feu, ça a l'air d'une explosion sur l'océan. C'est parce qu'il y a un lac en avant-plan. Écoute, c'est beau, c'est super beau. Oui, c'est beau. Puis j'ai pas triché ces couleurs ou rien, c'était pas mal ça qu'est-ce qu'on avait. Là. Ouais. C'était impressionnant. Très cool. Bon, parfait. De mon côté, François... La semaine prochaine, techniquement, on va dans un mariage, toi et moi. Hein? Mariage d'un ami. C'est-tu déjà dans une semaine? Ouais, ça va vite, hein? Wow! Surtout quand on enregistre d'avance. Mais techniquement, la semaine prochaine, on sera dans un mariage. Mais pour arriver à ce mariage, on s'est payé la traite D'après les photos que j'ai vues, vous y avez payé la traite aussi. On lui a payé la traite, oui. Notre ami qui va se marier, on lui a fait un petit enterrement de vie de garçon, hein, comme on dit, mm-hmm. puis un stag party en bon anglais. Mm-hmm. Puis, il était plus que 6 pieds sous terre, en tout cas. Moi, j'étais photographe de service et puis on s'est vraiment amusé, on s'est promené en ville. Puis, pour ceux qui connaissent la région de Montréal, la ville de Montréal, on était tout près d'Arcade, Montréal. On était sur Saint-Denis, coin Ontario. Puis, on lui a donné toutes sortes de défis, tout ça. On l'a quartier maquillé. Latin, dans le fond. Quartier latin. On l'a maquillé, tout ça. À un moment donné, on a croisé des policières qui l'ont un petit peu maquillé un peu plus, en tout cas. Puis, on a terminé la soirée à Arcade Montréal, d'ailleurs. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un petit bar avec des arcades, avec des machines... Oui, classique. Oui, il y a de des consoles, il y a de la musique aussi rétro, des années 80, disons. De la musique chiptune, de la musique de jeux vidéo, carrément. Puis, j'avais déjà parlé, je pense, dans un autre épisode de Papa Cassette, là, Dominique. Mm-hmm. Et puis, c'est lui qui a fait monter son projet de niveau. Vraiment cool. Puis, très, très cool comme endroit. Puis, j'ai fait de la photo. Super belles photos, vraiment. Mais, merci. je dis ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait un album Flickr que j'avais fait à l'ouverture d'Arcade Montréal à la fin mars. Et puis j'ai rajouté les photos, celles qui se publiaient en tout cas. Je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Ouais, je vais mettre le lien vers mon album Flickr original. Puis je pense que les 8 dernières photos, ce sont les photos que j'ai prises récemment là, pour la petite fête qu'on a fait à notre ami qui se marie. Mm. Ouais. Puis, François a intérêt à ne pas se marier parce que lui, il va y passer aussi. Mais comme je suis le best man ou le garçon d'honneur dans ce mariage-là, c'était à moi qui incombait la responsabilité de faire des activités avec lui. Je ne me suis pas gêné. Tu sais pas le laisser. Des activités. Oui, il y a des beaux guillemets radiophoniques. Des défis. Mais tu ne pouvais pas le laisser tomber. C'est ton grand ami aussi. C'est ça, exactement. Ouais. Je devais être à la hauteur. Ouais. Puis qu'il s'en rappelle. Tu veux dire que ça ne soit pas une journée banale. Il ne l'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Non, il me l'a dit au moins 4 fois. Il dit « Attends que tu te maries. » J'étais pas là, mais avec les photos que j'ai vues, je suis pas mal sûr que t'es faite, oui. Ce que je voulais savoir, je t'en ai pas parlé avant, mais j'imagine peut-être qu'on va pouvoir en voir quelques-unes de ces photos-là, peut-être cet automne. On pourra en reparler dans un autre épisode. Sur notre site? Écoute, on va demander à... On lui demandera, au principal intéressé. On pourra en mettre une, peut-être. On en mettra une. Oui. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. C'est pas mais on va honteux, quand même c'est plus drôle qu'autre chose. Il s'appelle Stéphane, lui aussi. C'est un chic type. Donc, d'après moi, on va pouvoir en mettre une, là. Peut-être celle où la policière le maquille, c'est quand même pas trop hard. Non, pas du tout, même. C'est même très, très amusant. Alors voilà, j'ai fait ça comme photo entre deux épisodes. On avait dit qu'on parlerait du photo walk, j'en ai parlé en intro, mais un petit rappel pour ceux qui veulent se joindre à nous à Montréal. Tous les détails de dernière minute seront sur le site objectifnumérique.com. Et c'est dommage parce qu'il y a un Français que je sais qui va être au Québec, mais je pense que c'est du 6 au... Je crois qu'il quitte juste avant le 20 août, mais ou peut-être autour de cette date-là, je vais voir. Là. Mais c'est un type qui connaît bien les mystérieux étonnants et tout ça, qui est déjà venu... tu l'avais vu aussi à l'ancienne Arcade Montréal, Christian. Oui. Il s'appelle Laurent. Oui, Laurent. Mm-hmm. En tout cas, si jamais il est là, je vais m'arranger pour qu'il se joigne à nous. Puis, s'il y a d'autres cousins français en visite au Québec, gênez-vous pas. Oui, ça va nous faire extrêmement plaisir. On va avoir au moins une personne de plus que nous autres, là. Oui, ça serait le fun. Non, mais on n'a jamais fait de photo walk, nous trois non plus. Honnêtement, ça ne me dérange pas pantoute. Moi, ça va me faire plaisir d'en faire un. Mais j'ai l'impression qu'on va avoir au moins 3-4 autres personnes de plus, là. Enfin. On vous met au défi. Oui. Et c'est ça. On va passer au bloc nouvelles. Christian, tu nous parles de Huawei? Oui, Huawei. Vous connaissez Huawei? Bien sûr, qui font des téléphones. Exactement, téléphones cellulaires. Depuis quelques années, ils se targuent d'avoir des téléphones cellulaires, c'est Android, mm-hmm. c'est une compagnie chinoise. Et semble-t-il que leur plus récent, le P9, c'est un des meilleurs appareils photo que tu peux avoir sur un téléphone cellulaire. Et voici la photo qui disent qui a été prise. OK. On s'entend que c'est une magnifique photo, hein? Oui, c'est très beau, absolument. Hein? Oui. Un fin finot est allé chercher dans le exit file et se rendre compte que non, ce n'est pas le Huawei P9. C'est une Canon 5D Mark III qui a pris cette photo. Non, mais attends, ça se peut-tu vraiment qu'il ait fait croire à des gens puis qu'il ait laissé le exif disponible? Oui. Ah non, là... C'est à ce point-là. C'est pas fort à ce point-là. Beau département de com, hein, chez Huawei. Oui, définitivement. De marketing. Puis là, ben... Le département de communication a envoyé un statement, un avis disant « Non, mais c'est une photo qui a été faite de façon professionnelle pour nous faire comprendre le genre de photo que vous pourriez peut-être vous inspirer pour faire des photos. » Ouais. Comment se rendre compte qu'on ne pourra jamais réchapper l'erreur qu'on a faite du beau violon. Là. Oui. Ça vous rappelle-tu, il y a quelques années, il avait fait la même chose avec... Nokia avait fait la même chose avec leur appareil photo qui était supposément le meilleur. Oui, puis on voyait vidéo. Le reflet. On voyait la vidéo dans. Exactement, oui. Je l'ai repassé parce qu'on en avait parlé dans le temps. Et avec les téléphones, ils disaient qu'il y avait de la stabilisation d'image, etc., que la vidéo était incroyable. Puis t'as une femme à vélo. Oui. Puis à un moment donné, il passe devant un camion, puis il y a un reflet, puis on voit très bien dans le reflet que le gars, c'est... Il est équipé comme un caméraman professionnel, il a la rig au complet. Comme François. Je ne me rappelais pas de ça. Oh oui, j'étais comme, hey, bravo champion. Mais j'en reviens pas. Tu sais, celle-là, ça, c'est facile avec l'exif. Oui. C'est le gars, il a juste... Il a... C'est pas fort. C'est pas fort. Mm. L'autre, il a fallu qu'il fouille en table. Il voulait là, le prendre en défaut, c'est clair. Mais en tout cas, tu comprends toujours pas pourquoi ils font ça. Ils se font toujours pogner de toute façon. Là. Ben oui, c'est complètement ridicule, mais bon. Eh bien, merci. François, toi, de ton côté, est-ce que c'est la feuille de ta nouvelle que t'as échappée? Non, pas du tout. La feuille qui est par terre, c'est la deuxième feuille. Ah, on est correct pour le podcast. Pour la suite des choses. Merci Stéphane, toujours aussi gentil. J'ai vu passer une nouvelle assez comique, en fait, ou surprenante, à vendre sur un site de petites annonces ukrainien. Un objectif russe de 350 livres. Oh! 350 livres. Hein? Oui. Et en ce moment, cette petite annonce annonce un objectif de grade militaire qui servait à bord d'un satellite espion d'observation. Pour les intéressés, c'est le Yantar 4K2. Okay. C'est un programme qui a existé entre 1981 et 2002. En fait, le programme existe toujours. C'est juste que cette génération d'objectifs-là a fait partie de ces satellites-là. Mm-hmm. Je l'ai nommé que c'est un satellite, oui. Mm-hmm. Entre 1981 et 2002. La dimension de l'objectif est de 4 pieds de long et 1 pied et demi de large. 4 hey pieds, boy! On parle de 100 combien de centimètres? 1 mètre quelques, 4 pieds? 1 mètre 20? Pas 1 mètre... Un petit peu plus qu'un mètre, mais ouais. Dans ce coin-là, 1 mètre 10 peut-être. Un mètre 20 facile. Allez sur Google, faites la conversion. Ouais. Je vais vous le faire pendant que vous parlez. Faites 48 fois 2,54. Non, t'as pas besoin. Je vais faire mieux que ça. Pour vous donner une idée, là, c'est large comme deux ballons de basketball. Okay? Bon, ça, simple, c'est un pied et demi que tu veux dire. Oui. Ça, c'est la largeur. C'est ça. C'est 4 pieds, ça. Non, je m'excuse, c'est un pied et demi. Ouais. Un pied et demi. La longueur, oui. La longueur, c'est 4 pieds. Un pied et demi, c'est 45 cm à peu près. 1,20 m. 1,20 m, c'est ce que j'avais dit à peu près. On ne peut pas y en passer une petite vite, hein, Stéphane? Ben, non, je suis assez encore... système impérial, je m'en sers à presque tous les jours, malheureusement. Oui, ouais, dans le cadre d'une autre vie. Et, et c'est ça, un pied et demi de largeur, c'est environ 45 cm. Voilà, alors deux ballons de basketball. Mm-hmm. Le prix... Est-ce que ça vous intéresse de savoir, il est fixé à combien? Oui. Ça doit être horrible. 18 500 $ américains. Ben, c'est pas si pire que ça, considérant. Donc, juste comme avec quoi tu peux l'utiliser, ouais, est en plus ça, ma question. Ben, ça te prend un adaptateur à 22 000 $. C'est ça. Il faut juste que tu trouves une façon d'adapter à ta caméra. Mais bon, le vendeur dit que c'est quand même négociable. Ah, ouais, ah il est fin. Oui, il est quand même ouvert. On a-tu une idée de qu'est-ce que ça a comme, je sais pas moi, de portée, de si? C'est-tu un 1200 millimètres? Je crois que c'est 1000. J'ai lu rapidement, j'ai pas pris en note, mais c'est autour de 1400 mm environ. Oh, c'est quand même pas si mal. Ouais. Je pense qu'il faut un trépied hein, pour ça. Il faut, écoute, un trépied minimum 2, je dirais. Oh, clairement. Tu sais, quand je repense au Sigma, là, c'est quoi l'espèce de bazooka que tu peux acheter, oui. Là, qui est le je sais plus trop, le 300, 500, quelque chose, 200, ouais, 500, ou whatever. Ou 500. Oui, ouais, celui qui est vert militaire. Exactement. Écoute, ce qui est bien avec ça, c'est qu'une fois que tu as stabilisé ton objectif, là, bon, tu fais juste visser ton body, ça, oui, je veux dire. C'est ton body qui a l'air, même avec ton appareil, même avec un 1DX qui est gigantesque, qui a l'air minuscule. Exactement. Dessus. Minuscule boîtier. Alors, bon. Dépêchez-vous, il est encore à vendre. Je pense que ça va prendre J'ai vérifié. Je viens de checker là. Avant là. L'émission. Ben, c'est 460 000, je ne sais trop quoi, cette monnaie-là, ouais. Là, mais en tout cas, c'est ça qui demande. Là. Merci pour la conversion en dollars américains. Oui, oui, clairement. De mon côté, il y a Sony qui, pour une fois que c'est moi qui parle de Sony, qui lance deux nouveaux objectifs dans la série Master, donc les objectifs professionnels. Le 70-200 f2.8 GMOSSG, donc stabilisation optique. On parle d'environ 2 500 $ américains. Et un 50 mm f1.4 ZA, donc Carl Zeiss. Planar, pour ceux qui... On avait déjà expliqué sonar et compagnie, oui. Là, ce que ça voulait dire. Vous irez chercher Carl Zeiss dans les notes d'épisode si un ça vous sonar, intéresse. Attends, ça c'est ce qu'il y a dans les sous-marins, je pense. Hein? Non, non. C'est que ça voulait dire, ça venait de son, donc très lumineux. Planar, je me souviens plus c'était pourquoi. Puis en tout cas. Et celui-là, on parle de 1 500 $ américains toujours. Et il y avait aussi des téléconvertisseurs 1.4X et 2X, deux fois, pour environ 500 $ américains chacun. Donc, il y a quand même... Le parc d'objectifs de Sony, ça grandit, là, commence à être bien. Je vous avais parlé de mon photo walk avec les gens de Fuji là, au dernier épisode. Les gens de Fuji qui se payaient un peu la tête de Sony en disant « Ouais, le parc d'objectifs », mais j'ai l'impression qu'ils sont peut-être pas au courant de tout ce qui est sorti au cours des derniers 6 mois, je te dirais. Là, parce que, bon, là, d'ailleurs, en plus du A6300, dont je vais faire la critique au prochain épisode, soit au mois de septembre, je vais aussi pouvoir faire la critique du 28 mm F2, je crois. Ah, ouais. Parce que, intéressant, ça. Oui, je viens de le recevoir. Mm-hmm. J'ai pas eu la chance de l'essayer encore. Puis le 35 mm F2.8, qui est sorti quand même depuis quelques temps, mais... Mm-hmm. Ça, je vais pouvoir tester ça aussi. Pas grave, c'est des bons objectifs. Oui. Il y a de quoi intéressant à faire avec ça. Oui, oui. Donc, c'est ça. Moi, déjà, j'en possède quoi? 4 objectifs. Là, je vais en tester 2 autres. Il y a les 2 de la série Master qui sortent. Puis, il y en a d'autres. Il y a le 35 mm 1.4, je pense. Oui, qui coûte probablement ça, 1 500 $. Pas donné, mais... On va se dire, là, de ce que tu m'as donné, comme il y a en masse là, pour avoir quand même... Ça couvre pas mal tous les besoins. Là. Oui. C'est ça. Moi, j'ai le 70-200 F4, mais là, ils sortent un F2.8 stabilisé en plus. Oh, c'est attirant, par exemple. Vraiment intéressant. J'ai un 55 mm 1.8. Là, ils sortent un 50 mm 1.4. Bon. Ben, je veux dire, c'est pas nécessaire, mais... Non, attendez. Ça dépend ce qu'on fait. Quand t'en as un, t'achètes pas l'autre, mais si t'en as ça. Pas... C'est exactement ça que j'allais dire. C'est que, bof, j'en doute pas de la qualité, là, mais quand t'as déjà le 1.8, ce que tu vas gagner pour la différence de prix que tu vas payer... C'est ça. C'est, comme François dit aussi, ça dépend ce que tu fais avec. Ouais. Si t'en as pas déjà, puis t'hésitais... Moi, j'ai fait le Comic-Con avec le 55 mm les 2 jours où j'étais là. Mm-hmm. J'aurais aimé ça 5 mm de moins si j'avais pu. J'aurais préféré un 35, je te dirais honnêtement. C'est d'ailleurs je veux le tester, je le considère. Mais un 50 au lieu de 55, d'après moi, ça aurait fait juste la différence parce qu'il y a tellement de monde dans un endroit comme ça que même juste 5 mm, ça te sauve un paquet de troubles. Là. J'avoue. Mais enfin, j'aurais pas payé 1 500 $ américains, par contre. C'est un peu cher pour mon budget actuel, mais pour ceux qui en ont besoin, ils vont sûrement être heureux d'apprendre la sortie de cet objectif-là. Exact. François, tu avais un topo pour nous. Oui, je vais vous parler de comment on peut faire une pluie de feu avec la laine d'acier. Ah! J'avais déjà parlé un peu de cette technique-là, vous en rappelez? Oui. Mm-hmm. Bon. C'est maintenant, je vais vous parler... je vous avais parlé d'événements malheureux. Oui. Maintenant, je vais vous parler comment bien réussir. Comment un événement heureux. Comment éviter un événement malheureux. Exactement. Bon. L'effet de la technique, c'est vraiment toujours magnifique. Pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, là, c'est un beau petit projet à faire en photo. Ça utilise la longue exposition. Ça prend juste des objets assez faciles quand même à se procurer. D'haleine d'acier, communément appelé SOS ici au Québec. Oui. Mais bon, vous savez un peu de quoi je parle. C'est pour récurer les fonds de casserole. Mm-hmm. Une petite batterie 9 volts, de la corde, puis un fouet. Là, Steph, là, je ne parle pas de fouet. Là, Non! Ah, non, là, non. J'étais drôlement intéressé par ta chronique. Non, c'est ça. On va rester dans la photographie. Ah, un fouet culinaire? Oui, en métal. Okay. Voilà. Pour, Moi, je n'aimais pas l'idée du fouet et de la laine d'acier, personnellement. Mais c'est correct, continue. Ben, bon, peut-être pour une autre chronique. Oui. chronique grivoise. Le procédé est quand même simple. Vous mettez la laine d'acier à l'intérieur de votre fouet, que vous attachez ensuite à une corde. Puis là, la longueur de la corde, ça dépend de vous. Parce que l'idée, c'est de faire tourner le fouet avec des cercles, évidemment. Donc, si vous voulez un effet plus grandiose, on allonge la corde, sinon un peu moins. Si vous voulez le feu plus loin de votre visage, une corde un peu plus longue. Oui. Ce qui vous reste à faire à ce moment-là, une fois qu'on a assemblé tout ça, la laine d'acier à l'intérieur du fouet, installé la corde, c'est d'allumer la laine d'acier. Et ça, on va le faire avec la batterie 9 volts. Étant donné que c'est fait de métal, on colle les deux bornes de la batterie 9 volts sur la laine d'acier et le feu prend tout de suite. Okay. Et ce n'est pas des grosses flammes, là. Ça fait juste un peu alimenter tout de suite la petite brindille d'acier. Et on se met à tourner. Et ça va brûler quand même un bon petit moment. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir prévu un peu notre ouverture sur la caméra, le temps d'exposition, l'emplacement, si on a un modèle dans la photo, est-ce qu'on le place à tel ou tel endroit? Il ne faut pas oublier de protéger notre modèle, notre personne, notre sujet. Et l'environnement. Ça, c'est la partie la plus importante. Mm-hmm. Ça nous ramène à ce que je vous ai déjà parlé. Il y a des photographes qui, en utilisant cette technique, ont mis le feu. Je vous avais parlé qu'il y en avait un qui avait mis le feu à un bateau là, qui était échoué depuis 20, 30, 40 ans, puis qui était vraiment un lieu, un beau lieu de faire de la photo. T'sais. Fait qu'il y a quelques semaines après que je vous ai parlé de ça, il y a un autre tata, accompagné de deux autres tatas qui sont allés s'installer sur une construction des années 1920 à l'intérieur d'un parc national et qui a parti ça. Et c'est du bois qui date de 100 ans. Ça a dû prendre 30 secondes, ça a parti. Ça n'a pas été long. Ils ont mis le feu à une belle baraque des années 20 qui était une des premières stations, sinon la première station d'essence en Floride. Il y avait quand même une histoire. Là, donc, c'est vraiment important que si vous pensez faire ça, allez dans un endroit où il n'y a rien d'inflammable autour de vous. Des pompiers proches aussi. Oui, puis c'est pas... Tu sais, je vous encourage pas à faire ça. Je ne crois pas que c'est très légal. Ouais, faites-le de façon réfléchie et informée, peut-être, justement. Oui, puis si vous choisissez votre lieu, là, vraiment. Tu sais, un parking de centre d'achat, là, c'est pas si mal. Tu n'as pas grand-chose là-dedans, là, tu sais. Effectivement. Mais bon, je vous dis ça sous toute réserve. C'est parce que ce soit un peu dangereux, mais c'est parce que l'effet est cool. Oui, non. Il faut l'essayer une fois. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Mais effectivement, Christian, c'est une suggestion pas si mal. Si vous voulez le faire sans rien risquer, vous allez quand le centre d'achat là, est fermé. Ben, moi, je vous dirais, c'est une belle place pour tester l'effet. Oui. Parce que votre photo va être plate un peu. Oui, je suis d'accord. C'est pas grave, mais non seulement pour tester l'effet, mais pour voir à quelle distance de vous ça se propage, si les tisons s'il y a des tisons qui revolent, ou tu sais, de voir tout ce qui se passe pendant qu'on fait ça. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu comme... Moi, j'ai appris à conduire dans un stationnement comme ça, un peu, à se pratiquer quand il n'y a pas de voiture. Facile de faire des parallèles dans ce temps-là. Ben, exactement. Ouais. Non, mais tu te familiariser avec ton outil qui est la voiture. Tu sais, la force qu'on doit mettre sur la pédale d'accélération, sur le frein, tourner le volant, ben là, c'est exactement la même chose. À quelle vitesse on tourne le truc? Exactement. Est-ce que ça peut se détacher attaché un truc? Tout de suite, allez-y avec toutes vos forces pour la vitesse. Okay? Quand vous allez le faire, parce que ça va provoquer plus de tisons. Et c'est important d'en avoir beaucoup pour avoir un effet. C'est sûr que si on ralentit l'exposition, on est moins obligé de forcer parce que les tisons vont s'additionner. Hein? C'est ça le principe de la longue exposition, c'est que même les premiers tisons vont être dans la photo et ça s'additionne un après l'autre. T'sais, à chaque seconde, il y a des nouveaux tisons, puis ça va être le total, notre photo de tout ça. Si on va à 30 secondes, on n'est pas obligé d'y aller à fond la caisse. Tu peux prendre ton temps. Par exemple, si on a une exposition de 10 secondes, là, il va falloir en donner plus si on veut un bon résultat. Même que je dirais qu'à 30 secondes, t'es mieux de prendre ton temps, parce qu'à un moment donné, ça va être probablement trop saturé de lumière. Absolument. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire ces tests, avoir une bonne idée de la vitesse. Alors voilà, c'est quelque chose que je dirais peut-être, si je choisissais un lieu, parce qu'il y a bien du métal, quelque chose de rien. Tu sais, si vous êtes pour choisir un lieu... Une dune de sable, oui. Effectivement, si on a la lune qui éclaire les dunes... Ça peut être très intéressant. Ça peut être vraiment intéressant. Mmh. Si vous avez quelqu'un qui est dans le portrait, j'ai vu ça dans plusieurs exemples, donnez-lui un parapluie. Mmh. Ça donne vraiment l'impression qu'il pleut des étincelles sur la personne, puis que la personne se protège. C'est vraiment cool. J'ai vu une photo, c'est post-nucléaire. Là, il y a un gars qui était assis à un bureau avec une espèce de scioscope de la Deuxième Guerre mondiale, puis il y a un masque à gaz sur lui. Ça fait très Mad Max, là, la pluie qui tombe sur lui. On dit que c'est plus que des pluies acides, parce que c'est des pluies en feu. Là, c'est beau. T'sais, l'idée qu'on se donne, c'est qu'on va voir le ring, l'anneau, mais en fait, tu n'es pas obligé de le voir dans la photo pour que ta photo soit bonne. Idéalement, tu ne le vois pas. C'est ça. Mais il y a des situations où c'est beau de le voir aussi. Il y a des personnes... Quand on peut réussir à voir la personne au centre du rond, c'est intéressant aussi. Mm-hmm. La personne qui fait tourner. Mais effectivement, quand tu te mets au-dessus, par exemple sur un petit pont, au-dessus de l'endroit où tu vas prendre ta photo, effectivement, là, ça devient une pluie. Fait que là, c'est jusqu'à quel point que tu vas être créatif. T'sais. Exact. Il y en a des milliers d'exemples sur les internets. Allez voir ça. Dites-vous, OK, ça a été fait. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puis juste varier comment tu tournes aussi peut changer de quoi. Parce que si tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, ça fait une pluie. Mais si tu vas dans l'autre sens un petit peu, si tu vas à l'autre côté, ça va revoler un peu dans les airs aussi. Rotation gauche-droite, ça va être similaire. Si tu fais un signe d'infini, par exemple, tu fais un 8, là, tu vas avoir une pluie différente parce que ça va arriver des deux côtés. Mais il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Tourner autour de toi peut-être aussi pour avoir un autre effet. Oui, au-dessus. Test, n'importe quoi. Oui. Alors voilà, amusez-vous, mais faites-le prudemment. Oui. Oui, clairement. Christian, toi aussi, tu voulais nous parler de quelque chose? Ben, c'est un léger topo, mais c'est drôle qu'il parle de longue exposition, c'est un peu ça moi aussi. Pendant mon voyage, je voulais faire de la photo, je me suis dit, je suis dans le parc. Un parc national, il n'y a pas beaucoup de lumière ambiante, etc. Ça va être le temps parfait pour faire des photos d'étoiles, etc. Il y a un détail relativement important. Saviez-vous, il y a une condition qui est vraiment mauvaise pour faire des photos d'étoiles? Oui, je l'ai expérimenté souvent. Oui. Quand c'est nuageux. Non. Moi, je sais c'est quoi. Il y en a une pire que ça. Oui. Vas-y donc. Quand c'est la pleine lune. Exact. Ah oui. Exact. C'était pas tout à fait la pleine lune, mais pas loin. C'était, disons qu'elle était... Ben, je pense qu'elle est pleine en ce moment. C'était il y a 2-3 jours. Fait que, en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'était l'enfer. Vraiment, parce que là, tu te ramasses avec plein de résidus aussi de la lune dans ton objectif. Faut que tu le places. Dans certains cas, tu prends une exposition très longue, mais... La forêt, par exemple, va continuer à prendre la lumière, elle. Fait que la forêt, ton exposition, ton ciel est beau, mais ta forêt est verte. Ça marche pas du tout, là. C'est débile. Je prenais des expositions quand même respectables, puis on avait l'impression que c'était le jour. Oui. C'était vraiment dérangeant, là. Ça avait pas de bon sens. Puis ça me frustrait parce que, où est-ce que j'étais, on voyait extrêmement bien Mars. Je me suis trouvé une petite application sur mon téléphone qui te permet de savoir quelle constellation, planète, etc. Et Mars, depuis quelques jours, elle est là, je vous le jure, là, c'est un point là, lumineux dans le ciel. Enfin, je voulais une photo de ça. Je n'ai pris une quand même, malgré tout. J'ai réussi à faire de quoi? J'ai tweaké un peu avec mon Lightroom après parce qu'elle était ben trop pâle. Mais c'est frustrant. Là. Il faut vraiment... Puis je lisais, c'est ça, à un moment donné, là, j'ai comme laissé tomber parce que ce qu'elle disait, c'est si tu as trop de lune... Il n'y a rien que tu peux faire. Ouais. C'est beaucoup trop éclairé. Puis là, ben, ça devient vraiment là, un problème parce que peu importe ce que tu regardes, tout est illuminé. Fait que. Puis là, tu dis, bon, OK, là, j'ai essayé une autre théorie. Je me suis, même si elle ne prend pas des très bonnes photos, ma 7D, je me suis dit, moi, c'est juste à 6400, je vais descendre ma vitesse, facile de voir. Ben, c'est là que tu te rends compte qu'il y a tellement de lumière que oui, tu commences à avoir des photos pas si mal parce que ça absorbe la lumière, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Fait que, mais malgré tout, c'était pas, ça donnait pas l'effet que je voulais. Là. Ouais, ouais, ouais. Puis l'eau et la pleine lune, là, c'est mortel. Là. C'est une ligne blanche. Il n'y a rien à faire ou à peu près. Là, ceux qui font de la photo, je sais pas comment ils font. Je pense qu'ils la font avec des filtres là, qu'on a déjà parlé là, pour cacher une partie de ton objectif pendant que l'autre est réduit. Exactement. Mm. Parce que il n'y a pas grand-chose à faire sinon. Là. Wow. Si tu as la pleine lune, là, c'est pas évident. Là. Qu'est-ce que tu es capable de faire comme image dans ce temps-là? Je regardais, c'est Rémi Saint-Onge qui était à Chandler en Gaspésie pour Moment Factory. Oui. Ils sont en train d'installer une installation là-bas. Puis il a pris une magnifique photo là, du ciel. J'étais comme jaloux. J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir faire... Rien de comparable parce que j'ai pas son équipement ou rien de ça, mais je me suis dit, tu sais, il y a de quoi à faire. Puis même, j'avais pensé à mon affaire tellement que j'ai traîné, je vous en ai déjà parlé, j'ai un vieil objectif Sigma 24-70 qui est défectueux. OK. Il fonctionne juste à 2.8 et à 4. Je me suis dit, ben mon Dieu, même si c'est juste un cran de lumière de plus, ben mon Dieu, j'aurai ce cran de lumière de plus là pour faire ma photo, ça pourrait aider pareil. Enfin, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais l'amener, ben ça n'a rien servi. Ça n'a rien servi. Fait que, regarde. Bon. Pour ceux qui se demandent, Rémi Saint-Onge était venu, je pense, à l'épisode 4. Hey ça boy, ça fait longtemps. Vaguement, ouais, oui. Ouais. Il y a l'épisode sur le bidouillage. Oui, je me rappelle. Oui. Ouais, ouais. C'est ça, on va sûrement le réinviter. Là. Il est pas mal occupé, mais il y a toujours des projets intéressants. Puis la photo qu'il fait, c'est quelque chose. Donc, on salue Rémi en passant. Merci, Christian, pour ton topo. Ça me fait plaisir. On va passer aux suggestions de la semaine. François, tu nous parles de... Prisma. Ah, mon Dieu, oui. La sensation de l'heure. Vous savez c'est quoi? Oui. Je vais être franc avec vous autres. Là. Je suis niaiseux, je n'avais même pas remarqué que c'était écrit Prisma. J'ai vu les photos passer, mais ça m'a pris un petit bout. Parce que je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être coupé, le Prisma, parce que j'ai vu l'effet que ça donne. Mais c'est genre, quand on a décidé d'en parler, que j'ai vu le nom, je fais... Ah, c'est ça? OK. Voilà, chercher. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Prisma, vous avez quand même probablement vu le genre de photo que ça fait, cette petite application, parce que c'est une application, sur vos réseaux sociaux. On part d'une photo de notre choix pour en faire des effets qui ressemblent à des tableaux peints par des grands artistes connus. Munch, Mondrian, Van Gogh, Picasso. C'est pas la première app à faire ce genre de truc-là. Mais c'est la plus réussie, par exemple. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il est populaire. C'est à cause de son code. C'est de la façon que c'est fait. Encore une fois, j'ai parlé d'intelligence artificielle dans l'autre épisode d'avant. C'est encore un peu ça. Il utilise des techniques pour rassembler le plus possible à certains tableaux de ces grands artistes-là. Mm-hmm. En détectant des parties du corps. J'imagine là, que bon, c'est des cheveux, OK, on va appliquer tel effet dedans, telle couleur. Parce que des fois, on regarde l'original, les couleurs ne sont plus les mêmes. Évidemment, ça suit le style de l'artiste là, qu'on décide de choisir. Donc, c'est vraiment réussi de ce côté-là. C'est sur iOS en ce moment où on se parle. Fin juillet 2016, on parle de l'arrivée sur Android, qui est très attendue pour la plupart des gens. Moi, y compris, j'ai envie de l'essayer. Je pense pas que je vais poster des photos sur mon fil d'actualité Facebook de ça, mais j'ai envie de l'essayer. Il y a de quoi à faire avec ça. J'ai vu des exemples. Moi aussi, assez impressionnant. Oui, qui sont vraiment... En fait, ça dépend vraiment de la photo originale. Et faites attention parce qu'il y a des fausses applications sur Android. En ce moment, oui. En ce moment. Ouais. Et il y a des gens qui se font prendre, qui se font pincer à installer un .apk, un fichier APK ou des trucs comme ça, là. Mais qui contient des... Ouais. C'est le principe de... c'est où j'ai vu ça il y a quelques années. C'est... On fait une recherche sur Google ou sur YouTube, par exemple, sur une affaire qui est très, très, très populaire. Ouais. Je vais dire, mettons, Pokémon Go, là, en ce moment. Ouais. Oh. Et on tombe sur des résultats de gens qui ont mis dans les métadonnées des mots-clés pour attirer ceux qui recherchent ça, puis ça n'a rien à voir. Mm-hmm. Ce qu'il appelle le SEO, le Search Engine Optimization, là, les mots-clés, justement, qui vont ressortir le plus et qui vont te faire monter dans les résultats de recherche. Bon, ben, eux se servent de toutes ces demandes pour avoir accès à un site en particulier. qui n'existe pas, mais eux se disent il y a de la demande, nous on va créer un lien vers soit un site malveillant, soit sur une vidéo de publicité. N'importe quoi est bon pour se faire de l'argent sur Internet et ça fonctionne. Donc oui, merci Stéphane d'en parler parce qu'effectivement, faites attention si vous voulez installer Prisma sans avoir la version officielle, c'est dangereux. Surtout que pour installer ça, on dit à notre Android, tu peux truster les logiciels qui viennent de parties tierces. Ça, c'est ouvrir les portes puis les vannes. C'est ça. Dire au téléphone, oui, tu peux faire confiance à cet éditeur d'application. Exactement. Là, ça ouvre la porte. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont tenter de tirer profit de ça et probablement, c'est pas impossible que votre téléphone devienne un bot dans un botnet qui sert à attaquer plus tard un réseau d'ordinateurs. Mm-hmm. Oui, parce que souvent, vous allez donner l'autorisation d'accéder aux contacts. Voilà. Et là, ça part après ça. Les contacts se font infecter. Puis là, ça finit plus. Fait qu'en tout cas, c'est pas pour vous faire peur, mais attendez donc la version officielle. C'est une question de semaine. Mm. Puis amusez-vous. L'application est vraiment belle. Elle fait des super beaux résultats. Regardez la photo que je parlais tout à coup de mon ciel tantôt. L'effet que ça donne, c'est assez impressionnant. C'est On dirait vraiment une toile. Oui, oui. Très, très, très bien réussi comme effet. Alors, voilà pourquoi Prisma est la folie cette semaine. Même malgré Pokémon Go, qui est vraiment la folie planétaire, on parle quand même de Prisma, ce qui est très... ce qui est impressionnant. C'est impressionnant, oui. Parfait. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Ben, moi, j'ai... J'aime ça. Non, je fais exprès. Je sais pas si vous avez remarqué. Christian... Je fais exprès pour le faire le plus fake possible. Oui, mais laisse Stéphane faire. OK. S'il te plaît. Mais c'était pour varier un peu. C'est pour ça que c'est moi l'animateur. Je sais. On a reçu une suggestion d'un auditeur, Quentin Pardilos. Et je suis désolé si je prononce mal le nom. Mais c'est des photos qu'il a prises lors d'un voyage en Argentine. Des photos... avec un Sony A7 et des objectifs argentiques. Donc, lui a mis un adaptateur et puis il est parti faire de l'argentique en Argentine. OK. Non, c'est concept, mais ces photos sont magnifiques. Écoutez, j'en reviens pas. C'est... Ça donne le goût d'aller là, hein? Oui. Vous irez voir ça, des paysages à couper le souffle. Les photos sont superbes. Le fait que ça soit des objectifs argentique, des vieux objectifs, ça donne un look super intéressant à ces photos. Et puis, bon, il y a un capteur de Sony A7, donc partant, il est avantagé. Mm-hmm. Mais non. Je plaisante, là, mais pour vrai, peu importe l'appareil avec quoi ça aurait été pris, ce sont des photos magnifiques. Et on va mettre le lien dans les notes d'épisode. Je trouve ça intéressant que non seulement ça soit, bon, soit des suggestions, mais envoyez-nous si vous avez des albums photos. Ben, bon, tout à fait. C'est pas obligé qu'ils soient aussi spectaculaires que ça, mais c'est vraiment intéressant de recevoir des albums faits par des auditeurs puis que ça soit agréable à regarder. Alors, moi, tu vois, en regardant ces photos, ce que ça me dit, c'est que les objectifs qui datent de plusieurs années, s'ils sont en bon état, ils sont encore bons. Ils sont encore tout à fait là. Il faut dire aussi quand même qu'il y a beaucoup de post-production dans des photos. Ça se voit. Oui. Il y a quand même beaucoup de travail. Moi, je serais curieux de voir l'original, pas traité encore, voir si on sent une texture, quelque chose de différent, parce que je vois qu'il y a beaucoup de piqué dans ces photos. Ouais. Ce que ça me dit, c'est que c'est que les objectifs ont toujours été de bonne qualité, dans le fond. Tu sais, l'appareil est capable d'aller chercher le détail. Tu sais. Je sais que dans certains vieux objectifs, s'ils n'ont pas été bien conservés, il va se créer... ce qu'ils appellent les champignons, là, des sur les lentilles, puis ça, ben, c'est fini. Il n'y a pas moyen d'enlever ça. Mais les photos qu'il a faites, moi, je ne vois pas de différence avec des objectifs de nos jours, là, tellement que les photos sont bien traitées. Fait que je serais vraiment curieux de voir, sans traitement, ça donne quoi. Ben, je vais lui demander, mais on l'invite. J'en profite pour l'inviter directement. Si jamais il veut partager avec nous une photo originale pour comparer, ça pourrait être intéressant, en effet. Parfait. Puis toi, Christian, tu as aussi une suggestion d'un auditeur, je crois. Exact. Une suggestion de Sébastien Manondrita. Un site Happy Hand. C'est un photographe qui capture des épaves d'avions perdues dans la nature. Moi, ça me parle énormément, là, mais vraiment. J'ai toujours été un gros, gros amateur d'avions. J'adore ça. Je trouve ça le fun. Puis, ben, si on en disait, tu sais, c'est... C'est incroyable, je veux dire, les endroits où tu as dû aller pour prendre ces photos-là, en plein milieu d'une forêt, là, il faut que tu saches où est-ce que l'avion y est, là, parce que c'est pas n'importe où. Puis il n'y en a pas une au fond de l'eau même aussi. Oui, il y en a une au fond de l'eau. Oui, ben, il faut vraiment... Ah oui, ben c'est ça. Le plus gros du travail, c'est de s'y rendre. Oui, oh, souvent, définitivement. Puis en plus, il a fait des beaux cadrages. Mm-hmm. Oui, il a fait des beaux cadrages. Oui, puis ce qui est étonnant, c'est que oui, l'avion est le sujet, mais on pourrait penser justement que, tu sais, comme c'est le sujet, il faut absolument qu'il soit gros puis qu'il soit massif. Mais non, c'est pas nécessaire. Mm-hmm. C'est un bel exemple, je trouve, par rapport à ça. Même que je dirais que dans à peu près aucune photo, l'avion prend plus que, même pas un quart de la photo. Oui. Non, c'est bien parce que l'idée, c'est de montrer dans l'environnement dans lequel il se trouve. C'est ça qui rend ça intéressant aussi, là, de voir toute la végétation autour, toute l'étendue de sable. Ouais. Que la nature reprend tranquillement sa place aussi. On le sent. Ça. On le sent que ça s'en vient dans les photos. C'est justement ça. On sent que la nature revient. Mm. Tu sais, les dunes de sable, quand on s'est enterré dans la forêt, on le sent. Là, ça va même pas prendre 10 ans. Il va être complètement... Exact. C'est cool. C'est très cool. Parfait. Bon, ben merci bien. Merci, merci, chers auditeurs, de nous envoyer ces suggestions-là. C'est toujours intéressant et pour nous et, je l'espère, pour ceux qui écoutent ensuite. Là, ça fait des belles découvertes. Et merci beaucoup, François. Ben merci, Stéphane. Merci, Christian. Merci, Stéphane. Ça met fin déjà au 95e épisode. On prend des petites vacances, quelques semaines, et on se retrouve au mois de septembre où on va vous parler d'un paquet de trucs... c'est sûr que je vais vous parler du Sony A6300. Peut-être, avec un peu de chance, j'aurais pu mettre la main sur le Fujifilm X-T2, mais bon, on verra. Au minimum, je vais vous parler du Sony A6300. Je vais vous parler d'un petit, je ne sais pas le terme français, un petit ring light, un petit flash circulaire, je pense que c'est ça, pour mettre au bout de l'objectif, pour faire soit de la photo macro ou du portrait. Puis, je viens de recevoir ça et je vais m'amuser pendant l'été à faire ça. Mm-hmm. Je vais aussi recalibrer mon écran parce que j'ai récupéré. Je vous ai déjà parlé que j'avais eu un petit outil de X1, je pense. Je me rappelle. De la compagnie, mm-hmm. Mais j'ai un outil pour calibrer l'écran. Puis, je vais rebrancher ça, je vais recalibrer. Puis, on pourra reparler de calibration d'écran à ce moment-là, cet automne. François, toi, tu as un sujet aussi dont tu vas nous parler, je pense, sur la réalité virtuelle, quelque chose comme ça. Oui, j'ai eu l'occasion de voir une petite vidéo qui nous annonce vraiment ce que la réalité virtuelle va devenir, celle en temps réel, c'est-à-dire réalité virtuelle en temps réel. Mm-hmm. L'exemple que je vais vous montrer est assez fascinant, puis on touche tellement à la pointe de l'iceberg encore, on n'est tellement pas prêt à ce qui s'en vient. Moi, je suis convaincu, pour moi, c'est la technologie qui m'excite le plus en ce moment. Si j'avais de l'argent pour investir, ce serait complètement là-dedans. Oui, mais moi, la seule chose que je trouve dommage, puis je pense qu'il n'y a pas grand-chose que les entreprises puissent faire, en tout cas pour le moment, j'ai essayé la réalité virtuelle avec la PlayStation 4, avec le casque, le PlayStation VR. Je l'ai essayé au Comic-Con aussi. J'étais d'ailleurs invité par Sony, rien de moins. Mais j'ai le mal des transports. Moi, je viens étourdi rapidement. Et j'ai essayé des jeux. Il y a des jeux de puzzle plus simples où là, ça va bien. Mais j'ai essayé un jeu où j'étais dans une espèce de robot géant. Puis là, ça allait vite. Et tout de suite, les nausées... Il y a une façon de régler ça facilement. Oui? Oui. Tu t'en vas à la ronde, puis tu essayes le Goliath avec le casque. Ça apparaît pas du tout. C'est bluffant. Je l'ai essayé, C'est pas une question de régler. Ça me fait ça même sans réalité virtuelle. Portal 2, ça me fait pas. Je suis incapable de jouer sur un téléviseur ordinaire. Non, mais c'est parce que le problème étant que pour beaucoup de monde, ce qui cause le mal des transports, c'est que ton corps ne bouge pas, mais ta tête pense filer. Quand tu fais ça, je vous donne un exemple, c'est que dans le Goliath, au début, il y a la grosse pente, puis après ça, tu tombes. Quand tu monte dans la pente, c'est comme si c'est dans un vaisseau spatial qui monte de façon complètement verticale. Je vous le jure, on y croit complètement. T'es sûr que t'es dans un vaisseau. Puis quand il descend puis il part, là, c'est... je m'y croyais. Là. J'avais l'impression d'être là. Mais juste pour te dire, je suis pas un grand fan des manèges non plus. Fait que... Moi non plus. C'est tout simplement physique, quoi, Moi non plus parce que j'aime pas ça. Si ça se retourne pas, ça va. Tu sais, comme le Goliath, j'ai pas de trouble. Mais ça, là, c'est quelque chose. C'est une expérience. Ouais. Enfin, bref. Je m'excuse. Non, c'est correct. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles à ça, effectivement. Ouais. D'autres que ça ne posera pas de problème. C'est en tout cas, c'est vraiment le sujet que je vais vous parler. On parle de reproduire un événement sportif en direct à l'autre bout de la planète pour quelqu'un qui ne peut pas y assister physiquement, mais qui peut être en personne. C'est vraiment cool. Oui, on va voir. C'est vraiment cool. Bon, ben en tout cas, plein de sujets super intéressants. Moi, je serais curieux, juste, bon, on a deux minutes, ça ne sera pas long. Parce que un mal des transports, comme ce qu'on disait, ça peut être. Mais avez-vous vu une compagnie américaine qui s'appelle The Void qui, elle, recrée. C'est un environnement qui, dans le fond, est réel. Puis tu mets tes lunettes, tu te promènes, puis tu touches, ça, les murs sont là, t'as un fusil dans les mains, t'as des affaires. Ils ont même fait une affaire de Ghostbusters qui s'en vient. Ça, j'ai pas trop de problème avec ça parce que j'ai essayé le HTC Vive au CES en janvier. Et ça, je pouvais me promener dans une épave de bateau, des trucs comme ça. Le monde, on dit que le HTC Vive est moins raide pour ça parce que tu peux te lever, tu peux te déplacer. Il paraît que c'est un petit peu moins dégradable. Disons, contemplatif ou quand tu déplaces ton corps physiquement dans un endroit, moi ça va. C'est mais ça. Justement, je pense que pour quelque chose comme ça, toi t'aimerais mieux ça. Parce que le Samsung Gear, les lunettes aussi, je les ai essayées au CES dans des bancs qui bougeaient sur l'hydraulique, un système hydraulique. Puis ça on faisait comme du surf un peu sur la mer et tout ça. Et les bancs bougeaient et l'effet était beaucoup moins agressant pour mon corps. Ouais. C'est ça. Donc, oui. Mais dans une maison, comme avec la PlayStation, il n'y a pas de système comme ça. C'est quoi, je suis un peu d'accord avec toi. Là. Je suis pas sûr. Je ne l'ai pas essayé encore, mais moi, c'est ça. Là. The Void, là, des affaires de même, là, de pouvoir jouer à quelque chose. Ça, mais que ça, tu peux toucher. Ouais. Tu sais, il disait, c'est vraiment capoté. Là. Il y a un moment donné, tu t'approches d'une coquille qui a un extraterrestre dedans, puis la coquille, elle s'ouvre, puis il y a vraiment des jets de vapeur qui viennent de la Terre vers toi. Tu sais, ils sont allés là au complet. Il n'y a pas de niaisage. Ça, c'est vraiment très bien. Il faut, parce que tant qu'on n'a pas encore trouvé la façon de faire... De projeter une image réaliste sur un environnement. Non, mais il faut que notre cerveau croit à tout. Oui, c'est ça. Et le toucher, c'est hyper important. Ouais. L'odeur... Qu'est-ce qui manque aussi? Tu sais, le marché. Alors, t'as le toucher, t'as l'ouïe. L'odorat, le goûter. Je pense que là, on peut le laisser passer. Ouais, mais c'est ça, la vue, c'est réglé. Ouais. L'audition, c'est réglé. Ouais. Fait qu'il reste les autres sens à régler. Le toucher, l'odorat, principalement. C'est ça. Puis c'est ça que le corps a besoin pour que ça soit une réussite parfaite. Ouais. Bon, moi, je pense que d'ici à ce temps-là, au lieu d'installer ce qu'on fait en ce moment, installer physiquement des capteurs ou des émetteurs de sensations sur notre corps, on va probablement réussir à se connecter aux neurones par le... comme un implant au cerveau. Quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu... Il y en a qui... Écoute, non, moi, ma copine, elle, quand je parle de ça, elle fait « oh mon Dieu, je ne veux pas me rendre là ». Mais notre génération ne sera peut-être pas fort là-dessus, mais les prochaines... Ben, je crois que oui. Qu'on pourrait même être surpris, voir comment que ça peut arriver vite. Non, pas dans le sens que... Mais je dis « ne seront pas trop fort », c'est... Il y a beaucoup dans notre génération qui ne voudront pas embarquer dans cette vague-là. Possible, mais plus ça avance, puis moins la résistance va être grande. Oui, parce ça que va les passer. Gens vont être habitués, de un, à la réalité virtuelle, de deux, à la réalité augmentée. Mm-hmm. Avec Pokémon Go, justement, ça aide beaucoup. Là. Oui, oui. Mais pour ceux qui ne savaient pas c'est quoi la réalité augmentée, là, je pense qu'il y a plein qui viennent de découvrir c'est quoi. Oui. Mais ils appellent ça VR dans Pokémon Go, mais c'est pas ça. C'est de la réalité augmentée. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Donc, déjà, avec ces deux éléments-là, pour des gens qui vont avoir grandi avec ça, le pas va être beaucoup plus petit à faire pour se rendre vers un implant qui te permet de. Mais déjà, on l'avait avec les Google Glass pour la réalité augmentée. Ça aurait été un beau projet pour vraiment amener ça à un public plus général, si tu veux. Mais il y en a d'autres là, qui s'en viennent. Ça, ça bouge tellement vite que... Oui. Bon. On a hâte de voir ça. Oui. Alors, on vous retrouve de l'autre côté du mois d'août, donc en septembre, et on vous remercie de votre fidélité. À la prochaine!